Chers auditeurs, bonsoir. Dans l'immédiat, je te parle du quatrième pouvoir. Celui qui fascine, celui qui déçoit, celui qui bassine. Rester objectif devant derrière les objectifs. Et faire la une avec des sujets à parle de, c'est pas instructif. Dis-moi ce que tu vois, c'est vraiment ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est vraiment voir tout ce qu'il ne montre pas. Insécurité, islam, sous les feux des projecteurs. Mais quand ma banlieue brûle, les problèmes sont ailleurs. Les médias vendent la mèche, pour qu'après ça crame. Y'a pas de fumée sans feu, y'a jamais d'infos sans drame. Les informations, même agenda médiatique. À se demander s'il y a que les grosses putes qui font les gros titres. Sondage d'opinion, réponds seulement oui ou non. T'as le choix entre les deux, mais pas le droit d'avoir ta vision. Silence, ça tourne dans les caves de nos cités. Plus c'est bas et plus ça monte dans l'audimat de leur JT. Une Ferrari qui roule au sans plomb, c'est sur TF1. Un El Capache qui roule au super con, c'est sur Europe 1. Les médias m'oppressent avec une intox de l'info. Je creuse un trou dans mon fauteuil comme dans mon cerveau. Dans les médias m'oppressent avec une intox de l'info. Je creuse un trou dans mon fauteuil comme dans mon cerveau. Dans les médias j'écoute plus vos médias. Et te demande pas pourquoi je suis pas la page qu'elle a eu pour pas trop de merdia. Bolissant l'esprit en t'abolissant le plus abominable. En t'embellissant l'image mais en lisant sous cette paire de seins. Tu te rends compte qu'il y a trop de paires de sang. Qu'il n'y a plus de repères de sens. Morale mais morale. Trop de mots vulgaires dit vulgaires. Une belle libération des mœurs. Meurtre à la mode, y'a plus de scoop. Personne n'est bon scoop, tous crient au secours. Mais du monde se coupe, plus intéressant de voir les secours. Plus personne s'occupe, nos conditions. Et c'est les faux tous au cul. D'ailleurs, quand tu nous vois, c'est tout le temps you voir. Parce qu'un connard veut se faire élire à haute voix. Pour s'informer à d'autres voix, la peur se former à vous de voir. L'info télévisée est avisée, visée, visée, visée. Regardez-moi tous tes jeux dans tous ces jeux. Femmes, maison, tu n'as porté de main, mais comment les détester? Je suis déçu de voir que ça nourrit l'espoir de la jeunesse. Et que ça peut arriver à n'importe qui, c'est ça qu'on laisse croire. N'est-ce pas incroyable de voir qu'après tout ça, tu rêves d'avoir un taf comme pas? Nos vies sont pitoyables. Si tu bouges pas ton huc, personne le fera. Mais vas-y, cacher ton esprit avec les grands fonds, s'y intéressera. Dans les médias m'oppressent avec une intox de l'info. Je creuse un trou dans mon fauteuil comme dans mon cerveau. Dans les médias m'oppressent avec une intox de l'info. Je creuse un trou dans mon fauteuil comme dans mon cerveau. Il règne comme un malaise, comme d'habitude, c'est qu'on va faire la une. Et les journaux sont chauds, en page centrale, c'est Carla qui t'allume. Rubrique des faits divers, dis-moi ce que t'as lu. De la violence à toute allure, et la tarte tout l'inspecteur, la bavure. Y'a trop d'abus, des bites de la merde en bloc. Moins de vérité dans leur papier que dans leur putain d'horoscope. Stop, stop à leurs articles, démantèlement d'un trafic. Découverte d'une cage d'armes ou la misère en Afrique. Apologie du crime, toujours les mêmes gros titres. On se réjouit des tristes sorts et sort les stéréotypes. Beau stéréo style, toujours la traque ou sans passeport. Les bracos, moi, je cherche mon bonheur dans les passeports. Dans les médias m'oppressent avec une intox de l'info. Je creuse un trou dans mon fauteuil comme dans mon cerveau. Dans les médias m'oppressent avec une intox de l'info. Je creuse un trou dans mon fauteuil comme dans mon cerveau. Y'a des questions pour un champion comme qui veut gagner des millions. On sait combien ça coûte, mais on cède à la tentation. On renfloue le capital malgré plus d'un renvoi spécial. Ta télé, c'est ton grand frère dans un système pyramidal. Les pyramides, c'est un peu comme ça, toi, tu joues la télé, elle dit réalité. Mais en fait, c'est là que tu dois jouer. Car ça passe du rêve au cauchemar. Vis sa vie à lui qui est un clochard. Ça me rapporte des dollars. Pour s'en foutre plein les poches, ils en foutent plein les yeux. Faut croire que la télé c'est du propre. Vu que ça passe en vue, le tissu de connerie, tout un système nerveux. Un système nerveux, un système nerveux. Dans les médias m'oppressent avec une intox de l'info. Je creuse un trou dans mon fauteuil comme dans mon cerveau. Dans les médias m'oppressent avec une intox de l'info. Je creuse un trou dans mon fauteuil comme dans mon cerveau. Encore en première page, on a la rage car les médias publics. Trop de jeunes dans la passe égale dégâts sur toute la voie publique. Des sales images pour de l'audimat. Ça c'est leur sale business pour faire leur propagande. Car face aux jeunes, y'a cet état qui stresse. La presse diffuse tout de suite car pour eux ça vaut de l'or. Tout ça pour que le peuple remarque les sales exploits des forces de l'or. Dehors, les jeunes se sentent visés à chacun de leurs pas. Quand tu t'en fous face à ta bouffe, les scènes tragiques animent chacun des. Tu vois tout ça, eh ben ça me laisse un goût amer. J'suis pas Jules Verne, pourtant mes textes peuvent te décrire 20 milieux dans la merde. Les merdes de vie c'est ces temps, ça vise des temps, les temps sont durs. Tu vois qu'il est temps pour toi d'éteindre l'écran qui te manipule. J'suis venu passer le message, tout ça sans prendre pour un MC. Car moi c'est juste devant un micro, j'ai trouvé ma liberté d'expression. Me demande pas comment on fera un jour pour s'en sortir. Car même penché dans le vide, j'ai moins le vertige que quand j'me penche sur la question. Mais la réalité, mais tout le monde s'en fout de la réalité.